Section 10 de La Fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Suite du chapitre 5. Ce mois de tendresse joueuse sauva Miette de ses désespoirs muets. Elle sentit se réveiller ses affections, ses insouciances heureuses d'enfant, que la solitude haineuse où elle vivait avait comprimée en elle. La certitude qu'elle était aimée par quelqu'un, qu'elle ne se trouvait plus seule au monde, lui rendit tolérables les persécutions de Justin et des gamins du faubourg. Il y avait maintenant une chanson dans son cœur qui l'empêchait d'entendre les huées. Elle pensait à son père avec une piété attendrie. Elle ne s'abandonnait plus aussi souvent à des rêveries d'implacable vengeance. Ses amours naissantes étaient comme une aube fraîche dans laquelle se calmaient ses mauvaises fièvres. Et, en même temps, une rouerie de filles amoureuses lui venait. Elle s'était dit qu'elle devait garder son attitude muette et révoltée, si elle voulait que Justin n'eût aucun soupçon. Mais malgré ses efforts, lorsque ce garçon la blessait, il lui restait de la douceur plein les yeux. Elle ne savait plus où prendre le regard noir et dur d'autrefois. Il l'entendait aussi chantonner entre ses dents le matin au déjeuner. « Hé, tu es bien gai, la chanterelle !» lui disait-il avec méfiance, en l'examinant de son air louche. « Je parie que tu as fait quelques mauvais coups !» Elle haussait les épaules, mais elle tremblait intérieurement. Elle s'efforçait vite de jouer son rôle de martyr révolté. D'ailleurs, bien qu'il flaira les joies secrètes de sa victime, Justin chercha longtemps avant d'apprendre de quelle façon elle lui avait échappé. Silver, de son côté, goûtait des bonheurs profonds. Ses rendez-vous quotidiens avec Miette suffisaient pour remplir les heures vides qu'il passait au logis. Sa vie solitaire, ses longs tête-à-tête silencieux avec tante Did, furent employés à reprendre un à un ses souvenirs de la matinée, à en jouir dans leurs moindres détails. Il éprouva dès lors une plénitude de sensations qui le mura davantage dans les distances cloîtrées qu'il s'était faites auprès de sa grand-mère. Par tempérament, il aimait les coins cachés, les solitudes où il pouvait à son aise vivre avec ses pensées. À cette époque, il s'était déjà jeté avidement dans la lecture de tous les bouquins dépareillés qu'il trouvait chez les brocanteurs du faubourg et qui devaient le mener à une généreuse et étrange religion sociale. Cette instruction mal digérée, sans base solide, lui ouvrait sur le monde, sur les femmes surtout, des échappées de vanité, de volupté ardente, qui auraient singulièrement troublé son esprit si son cœur était resté inassouvi. Miette vint. Il la prit d'abord comme une camarade, puis comme la joie et l'ambition de sa vie. Le soir, retiré dans le réduit où il couchait, après avoir accroché sa lampe au chevet de son lit de sangle, il retrouvait Miette à chaque page du vieux volume poudreux qu'il avait pris au hasard sur une planche au-dessus de sa tête et qu'il lisait dévotement. Il ne pouvait être question, dans ses lectures, d'une jeune fille, d'une créature belle et bonne, sans qu'il la remplaçât immédiatement par son amoureuse. Et lui-même, il se mettait en scène. S'il lisait une histoire romanesque, il épousait Miette au dénouement ou mourait avec elle. S'il lisait, au contraire, quelques pamphlets politiques, quelques graves dissertations sur l'économie sociale, livre qu'il préférait au roman, par ce singulier amour que les demi-savants ont pour les lectures difficiles, il trouvait encore moyen de l'intéresser aux choses mortellement ennuyeuses que souvent il ne parvenait même pas à comprendre. Il croyait apprendre la façon d'être bon et aimant pour elle quand il serait marié. Il la mêlait ainsi à ses songeries les plus creuses. Protégé par cette pure tendresse contre les gravelures de certains contes du XVIIIe siècle qui lui tombèrent entre les mains, il se plut surtout à s'enfermer avec elle dans les utopies humanitaires que de grands esprits, affolés par la chimère du bonheur universel, ont rêvé de nos jours. Miette, dans son esprit, devenait nécessaire à l'abolissement du paupérisme et au triomphe définitif de la Révolution. Nuit de lecture fiévreuse, pendant lesquelles son esprit tendu ne pouvait se détacher du volume qu'il quittait et reprenait 20 fois. Nuit pleine, en somme, d'un voluptueux énervement dont il jouissait jusqu'au jour, comme d'une ivresse défendue, le corps serré par les murs de l'étroit cabinet, la vue troublée par la lueur jaune et louche de la lampe, se livrant à plaisir aux brûlures de l'insomnie et bâtissant des projets de société nouvelle, absurde de générosité, où la femme, toujours sous les traits de Miette, était adorée par les nations à genoux. Il se trouvait prédisposé à l'amour de l'utopie par certaines influences héréditaires. Chez lui, les troubles nerveux de sa grand-mère tournaient à l'enthousiasme chronique, à des élans vers tout ce qui était grandiose et impossible. Son enfance solitaire, sa demi-instruction, avait singulièrement développé les tendances de sa nature. Mais il n'était pas encore à l'âge où l'idée fixe se plante son clou dans le cerveau d'un homme. Le matin, dès qu'il avait rafraîchi sa tête dans un seau d'eau, il ne se souvenait plus que confusément des fantômes de sa veille. Il gardait seulement de ses rêves une sauvagerie, pleine de foi naïve et d'ineffable tendresse. Il redevenait enfant. Il courait au puits, avec le seul besoin de retrouver le sourire de son amoureuse, de goûter les joies de la radieuse matinée. Et, dans la journée, si des pensées d'avenir le rendaient songeur, souvent aussi, cédant à des effusions subites, il l'embrassait sur les deux joues tendides, qui le regardait alors dans les yeux comme prise d'inquiétude, à les voir si clair et si profond d'une joie qu'elle croyait reconnaître. Cependant, Miette et Silver se lassaient un peu de n'apercevoir que leur ombre. Ils avaient usé leurs jouets. Ils rêvaient des plaisirs plus vifs que le puits ne pouvait leur donner. Dans ce besoin de réalité qui les prenait, ils auraient voulu se voir face à face, courir en plein champ, revenir essoufflés, les bras à la taille, serrés l'un contre l'autre pour mieux sentir leur amitié. Silver parla un matin de franchir tout simplement le mur et d'aller se promener dans le jas avec Miette. Mais l'enfant le supplia de ne pas faire cette folie, qui la livrerait à la merci de Justin. Il promit de chercher un autre moyen. La muraille, dans laquelle le puits était enclavé, formait à quelques pas un coude brusque qui ménageait une espèce d'enfoncement où les amoureux se seraient trouvés à l'abri des regards s'ils étaient parvenus à s'y réfugier. Il s'agissait d'arriver à cet enfoncement. Silver ne pouvait plus songer à son projet d'escalade, dont Miette avait paru si effrayée. Il nourrissait secrètement un autre projet. La petite porte que Macar et Adélaïde avaient jadis ouverte en une nuit était restée oubliée dans ce coin perdu de la vaste propriété voisine. On n'avait pas même songé à la condamner. Noire d'humidité, verte de mousse, la serrure et les gonds rongés de rouille, elle faisait comme partie de la vieille muraille. Sans doute la clé était perdue. Les herbes, poussées au bas des planches, contre lesquelles s'étaient formés de légers talus, prouvaient suffisamment que personne ne passait plus par là depuis de longues années. C'était cette clé perdue que comptait retrouver Silver. Il savait avec quelle dévotion Tandide laissait pourrir sur place les reliques du passé. Cependant, il fouilla la maison pendant 8 jours, sans aucun résultat. Il allait toutes les nuits à pas de loup, voir s'il avait enfin, dans la journée, mis la main sur la bonne clé. Il en essaya ainsi plus de 30, provenant sans doute de l'ancien enclos des Fouques, et qu'il ramassa un peu partout le long des murs, sur les planches, au fond des tiroirs. Il commençait à se décourager lorsqu'il trouva enfin la bienheureuse clé. Elle était tout simplement attachée par une ficelle au passe-partout de la porte d'entrée, qui restait toujours dans la serrure. Elle pendait là depuis près de 40 ans. Chaque jour, Tandide avait dû la toucher de la main sans se décider jamais à la faire disparaître, maintenant qu'elle ne pouvait que la reporter douloureusement à ses voluptés mortes. Quand Silver se fut assuré qu'elle ouvrait bien la petite porte, il attendit le lendemain, en rêvant aux joies de la surprise qu'il ménageait à Miette. Il lui avait caché ses recherches. Le lendemain, dès qu'il entendit l'enfant poser sa cruche, il ouvrit doucement la porte, dont il déblaya d'une poussée le seuil couvert de longues herbes. En allongeant la tête, il aperçut Miette, penchée sur la margelle, regardant dans le puits, tout absorbé par l'attente. Alors, il gagna en 2 enjambées l'enfoncement formé par le mur, et de là, il appela « Miette, Miette !» d'une voix adoucie qui la fit tressaillir. Elle leva la tête, le croyant sur le chaperon du mur. Puis, quand elle le vit dans le jas, à quelques pas d'elle, elle eut un léger cri d'étonnement. Elle accourut. Ils se prirent les mains. Ils se contemplaient, ravis d'être si près l'un de l'autre, se trouvant bien plus beaux ainsi dans la lumière chaude du soleil. C'était la mi-août, le jour de l'Assomption. Au loin, les cloches sonnaient, dans cet air limpide des grandes fêtes, qui semble avoir des souffles particuliers de gaieté blonde. « Bonjour, Silver !»« Bonjour, Miette !» Et la voix dont ils échangeaient leur salut matinal les étonna. Ils n'en connaissaient les sons que voilés par l'écho du puits. Elle leur parut claire comme un chant d'alouette. Ah, qu'il faisait bon dans ce coin tiède, dans cet air de fête! Ils se tenaient toujours les mains, Silver le dos appuyé, contre le mur, Miette penchée un peu en arrière. Entre eux, leur sourire mettait une clarté. Ils allaient se dire toutes les bonnes choses qu'ils n'avaient point osé confier aux sonorités sourdes du puits, lorsque Silver, tournant la tête à un léger bruit, pâlit et lâcha les mains de Miette. Il venait de voir Tandide devant lui, droite, arrêtée sur le seuil de la porte. La grand-mère était venue par hasard au puits. En apercevant dans la vieille muraille noire la trouée blanche de la porte que Silver avait ouverte toute grande, elle reçut au cœur un coup violent. Cette trouée blanche lui semblait un abîme de lumière, creusé brutalement dans son passé. Elle se revit au milieu des clartés du matin, accourant, passant le seuil avec tout l'emportement de ses amours nerveuses. Et Macquart était là, qui l'attendait. Elle se pendait à son cou. Elle restait sur sa poitrine, tandis que le soleil levant, entrant avec elle dans la cour par la porte qu'elle ne prenait pas le temps de refermer, les baignait de ses rayons obliques. Vision brusque, qui l'attirait cruellement du sommeil de sa vieillesse, comme un châtiment suprême, en réveillant en elle les cuissons brûlantes du souvenir. Jamais l'idée ne lui était venue que cette porte pût encore s'ouvrir. La mort de Macquart, pour elle, l'avait murée. Le puits, la muraille entière, aurait disparu sous terre, qu'elle ne se serait pas sentie frappée d'une stupeur plus grande. Et dans son étonnement, montait sourdement une révolte contre la main sacrilège qui, après avoir violé ce seuil, avait laissé derrière elle la trouée blanche, comme une tombe ouverte. Elle s'avança, attirée par une sorte de fascination. Elle se tint immobile, dans l'encadrement de la porte. Là, elle regarda devant elle, avec une surprise douloureuse. On lui avait bien dit que l'enclos des Fouques se trouvait réuni au jamais frein. Mais elle n'aurait jamais pensé que sa jeunesse fût morte à ce point. Un grand vent semblait avoir emporté tout ce qui était resté cher à sa mémoire. Le vieux logis, le vaste jardin potager avec ses carrés verts de légumes, avait disparu. Pas une pierre, pas un arbre d'autrefois. Et à la place de ce coin où elle avait grandi, et que la veille elle revoyait encore en fermant les yeux, s'étendait un lambeau de sol nu, une large pièce de chaume désolée comme une lande déserte. Maintenant, lorsque les paupières closes, elle voudrait évoquer les choses du passé, toujours ce chaume lui apparaîtrait, pareil à un linceul de bure jaunâtre jeté sur la terre où sa jeunesse était ensevelie. En face de cet horizon banal et indifférent, elle crut que son cœur mourait une seconde fois. Tout à cette heure était bien fini. On lui prenait jusqu'au rêve de ses souvenirs. Alors, elle regretta d'avoir cédé à la fascination de la trouée blanche, de cette porte béante sur les jours à jamais disparus. Elle allait se retirer, fermer la porte maudite, sans chercher même à connaître la main qui l'avait violée, lorsqu'elle aperçut Miette et Silver. La vue des deux enfants amoureux qui attendaient son regard, confus, la tête baissée, la retint sur le seuil, prise d'une douleur plus vive. Elle comprenait maintenant. Jusqu'au bout, elle devait se retrouver, elle et Macquart, au bras l'un de l'autre, dans la claire matinée. Une seconde fois, la porte était complice. Par où l'amour avait passé, l'amour passait de nouveau. C'était l'éternel recommencement, avec ses joies présentes et ses larmes futures. Tandine ne vit que les larmes, et elle eut comme un pressentiment rapide qui lui montra les deux enfants saignants, frappés au cœur. Toute secouée par le souvenir des souffrances de sa vie, que ce lieu venait de réveiller en elle, elle pleura son cher Silver. Elle seule était coupable. Si elle n'avait pas jadis troué la muraille, Silver ne serait point dans ce coin perdu, au pied d'une fille, à se griser d'un bonheur qui irrite la mort et la rend jalouse. Au bout d'un silence, elle vint, sans dire un mot, prendre le jeune homme par la main. Peut-être les eût-elle laissés là, à jaser au pied du mur, si elle ne s'était sentie complice de ses douleurs mortelles. Comme elle rentrait avec Silver, elle se retourna, en entendant le pas léger de Miette, qui s'était hâté de reprendre sa cruche et de fuir à travers le chaume. Elle courait follement, heureuse d'en être quitte à si bon marché. Tandide eut un sourire involontaire, à la voir traverser le champ comme une chèvre échappée. « Elle est bien jeune, murmura-t-elle. Elle a le temps. » Sans doute elle voulait dire que Miette avait le temps de souffrir et de pleurer. Puis, reportant ses yeux sur Silver, qui avait suivi avec extase la course de l'enfant dans le soleil limpide, elle ajouta simplement « Prends garde, mon garçon, on en meurt. » Ce furent les seules paroles qu'elle prononça en cette aventure, qui remua toutes les douleurs endormies au fond de son être. Elle s'était fait une religion du silence. Quand Silver fut rentré, elle ferma la porte à double tour et jeta la clé dans le puits. Elle était certaine de cette façon que la porte ne la rendrait plus complice. Elle revint l'examiner un instant, heureuse de lui voir reprendre son air sombre et immuable. La tombe était refermée. La trouée blanche se trouvait à jamais bouchée par ces quelques planches noires d'humidité, vertes de mousse, sur lesquelles les escargots avaient pleuré des larmes d'argent. Le soir, Tandide eut une de ces crises nerveuses qui la secouait encore de loin en loin. Pendant ses attaques, elle parlait souvent à voix haute sans suite, comme dans un cauchemar. Ce soir-là, Silver, qui la maintenait sur son lit, navré d'une pitié poignante pour ce pauvre corps tordu, l'entendit prononcer en haletant les mots de douanier, de coup de feu, de meurtre. Et elle se débattait, elle demandait grâce, elle rêvait de vengeance. Quand la crise toucha à sa fin, elle eut, comme il arrivait toujours, une épouvante singulière, un frisson d'effroi qui faisait claquer ses dents. Elle se soulevait à moitié, elle regardait avec un étonnement hagard dans les coins de la pièce, puis se laissait retomber sur l'oreiller en poussant de longs soupirs. Sans doute elle était prise d'hallucination. Alors elle attira Silver sur sa poitrine, elle parut commencer à le reconnaître, tout en le confondant par instant avec une autre personne. « Ils sont là » bégaya-t-elle. « Vois-tu, ils vont te prendre, ils te tueront encore, je ne veux pas. Renvoie-les, dis-leur que je ne veux pas, qu'ils me font mal, » à fixer ainsi leur regard sur moi. Et elle se tourna vers la ruelle, pour ne plus voir les gens dont elle parlait. Au bout d'un silence, « Tu es auprès de moi, n'est-ce pas, mon enfant » continua-t-elle. « Il ne faut pas me quitter. J'ai cru que j'allais mourir tout à l'heure. Nous avons eu tort de percer le mur. Depuis ce jour, j'ai souffert. Je savais bien que cette porte nous porterait encore malheur. Ah, les chers innocents, que de larmes! On les tuera, eux aussi, à coups de fusil comme des chiens !» Elle retombait dans son état de catalepsie. Elle ne savait même plus que Silver était là. Brusquement, elle se redressa. Elle regarda au pied de son lit, avec une horrible expression de terreur. « Pourquoi ne les as-tu pas renvoyés ? » cria-t-elle en cachant sa tête blanchie dans le sein du jeune homme. « Ils sont toujours là ! Celui qui a le fusil me fait signe qu'il va tirer !» Peu après, elle s'endormit du soleil lourd qui terminait les crises. Le lendemain, elle parut avoir tout oublié. Jamais elle ne reparla à Silver de la matinée où elle l'avait trouvé avec une amoureuse derrière le mur. Les jeunes gens restèrent 2 jours sans se voir. Quand Miette osa revenir au puits, ils se promirent de ne plus recommencer l'équipée de l'avant-veille. Cependant, leur entrevue, si brusquement coupée, leur avait donné un vif désir de se retrouver seul à seul, au fond de quelque heureuse solitude. Là des joies que le puits leur offrait, et ne voulant pas chagriner Tandy en voyant Miette de l'autre côté du mur, Silver supplia l'enfant de lui donner des rendez-vous autre part. Elle ne se fit guère prier d'ailleurs. Elle accepta cette idée avec des rires satisfaits de gamine, qui ne songe pas encore au mal. Ce qui la faisait rire, c'était l'idée qu'elle allait jouer de finesse avec cet espion de Justin. Lorsque les amoureux furent d'accord, ils discutèrent pendant longtemps le choix d'un lieu de rencontre. Silver proposa des cachettes impossibles. Il rêvait de faire de véritables voyages, ou bien de rejoindre la jeune fille à minuit dans les greniers du Jamais-Frein. Miette, plus pratique, haussa les épaules, en déclarant qu'elle chercherait à son tour. Le lendemain, elle ne demeura qu'une minute au puits, le temps de sourire à Silver et de lui dire de se trouver le soir vers 10 heures, au fond de l'air Saint-Mitre. On pense si le jeune homme fut Elsa. Tout le jour, le choix de Miette l'avait fort intrigué. Sa curiosité augmenta lorsqu'il se fut engagé dans l'étroite allée que l'état de planche ménage au fond du terrain. « Elle viendra par là, se disait-il, en regardant du côté de la route de Nice. » Puis il entendit un grand bruit de branches derrière le mur, et il vit apparaître au-dessus du chapeau une tête rieuse, ébouriffée, qui lui cria joyeusement « C'est moi !» Et c'était Miette, en effet, grimpée comme un gamin sur un des mûriers qui longe encore aujourd'hui la clôture du Jas. En 2 sauts, elle atteignit la pierre tombale, à demi enterrée dans l'angle de la muraille au fond de l'allée. Silver la regarda descendre avec un étonnement ravi. Sans songer seulement à l'aider, il lui prit les 2 mains et lui dit « Comme tu es leste, tu grimpes mieux que moi !» Ce fut ainsi qu'ils se rencontrèrent pour la première fois dans ce coin perdu où ils devaient passer de si bonnes heures. À partir de cette soirée, ils se virent là presque chaque nuit. Le puits ne les servit plus qu'à s'avertir des obstacles imprévus mis à leur rendez-vous, des changements d'heure, de toutes les petites nouvelles grosses à leurs yeux et ne souffrant pas de retard. Il suffisait que celui qui avait à faire une communication à l'autre mit en mouvement la poulie, dont le bruit strident s'entendait de fort loin. Mais bien que certains jours, ils s'appelassent 2 ou 3 fois, pour se dire des riens d'une énorme importance, ils ne goûtaient leur vraie joie que le soir, dans l'allée discrète. Miette était d'une ponctualité rare. Elle couchait heureusement au-dessus de la cuisine, dans une chambre où l'on serrait, avant son arrivée, les provisions d'hiver, et à laquelle conduisait un petit escalier particulier. Elle pouvait ainsi sortir à toute heure sans être vue du père Rébuffat ni de Justin. Elle comptait d'ailleurs, si ce dernier la voyait jamais rentrer, lui faire quelque histoire en le regardant de cet air dur qui lui fermait la bouche. Ah, quelles heureuses étiennes soirées! On était alors dans les premiers jours de septembre, mois de clair soleil en Provence. Les amoureux ne pouvaient guère se rejoindre que vers 9 heures. Miette arrivait par son mur. Elle acquit bientôt une telle habileté à franchir cet obstacle qu'elle était presque toujours sur l'ancienne pierre tombale avant que Silver lui eût tendu les bras, et elle riait de son tour de force.

à suivre les jeux de l'ombre, tandis qu'elle avançait d'un mouvement ralenti, l'eau calme, dont la lune faisait un clair miroir, se froissait à son approche, comme une étoffe lamée d'argent. Les ronds s'élargissaient, se perdaient dans les ténèbres des bords, sous les branches pendantes des saules, où l'on entendait des clapotements mystérieux. Et, à chaque brassée, elle trouvait ainsi des trous pleins de voix, des enfoncements noirs, devant lesquels elle passait avec plus de hâte, des bouquets, des rangées d'arbres, dont les masses sombres changeaient de forme, s'allongeaient, avaient l'air de la suivre du haut de la berge. Quand elle se mettait sur le dos, les profondeurs du ciel l'attendrissaient encore. De la campagne, des horizons qu'elle ne voyait plus, elle entendait alors monter une voix grave, prolongée, faite de tous les soupirs de la nuit. Elle n'était point de nature rêveuse. Elle jouissait par tout son corps, par tous ses sens, du ciel, de la rivière, des ombres, des clartés. La rivière surtout, cette eau, ce terrain mouvant, la portait avec des caresses infinies. Elle éprouvait, quand elle remontait le courant, une grande jouissance à sentir le flot filer plus rapide contre sa poitrine et contre ses jambes. C'était un long chatouillement, très doux, qu'elle pouvait supporter sans rire nerveux. Elle s'enfonçait davantage, se mettait de l'eau jusqu'aux lèvres, pour que le courant passât sur ses épaules, l'enveloppât d'un trait du menton aux pieds, de son baiser fuyant. Elle avait des langueurs qui la laissaient immobile à la surface, tandis que de petits flots glissaient mollement entre son costume et sa peau, gonflant l'étoffe. Puis elle se roulait dans les nappes mortes, ainsi qu'une chatte sur un tapis. Et elle allait de l'eau lumineuse, où se baignait la lune, dans l'eau noire, assombrie par les feuillages, avec des frissons, comme s'il eût quitté une plaine ensoleillée et senti le froid des branches lui tomber sur la nuque. Maintenant, elle s'écartait pour se déshabiller, elle se cachait. Dans l'eau, elle demeurait silencieuse. Elle ne voulait plus que Silver la touchât. Elle se coulait doucement à son côté, nageant avec le petit bruit d'un oiseau dont le vol traverse un taillis. Ou parfois, elle tournait autour de lui, prise de craintes vagues qu'elle ne s'expliquait pas. Lui-même s'éloignait quand il frôlait un de ses membres. La rivière n'avait plus pour eux qu'une ivresse amolie, un engourdissement voluptueux qui les troublait étrangement. Quand ils sortaient du bain, surtout, ils éprouvaient des somnolences, des éblouissements. Ils étaient comme épuisés. Miette mettait une grande heure à s'habiller. Elle ne passait d'abord que sa chemise et une jupe. Puis elle restait là, étendue sur l'herbe, se plaignant de fatigue, appelant Silver, qui se tenait à quelques pas, la tête vide, les membres pleins d'une étrange et excitante lassitude. Et au retour, il y avait plus d'ardeur dans leur étreinte. Ils sentaient mieux à travers leurs vêtements, leur corps assoupli par le bain. Ils s'arrêtaient en poussant de gros soupirs. Le chignon énorme de Miette, encore tout humide, sa nuque, ses épaules, avaient une senteur fraîche, une odeur pure, qui achevait de griser le jeune homme. L'enfant, heureusement, déclara un soir qu'elle ne prendrait plus de bain, que l'eau froide lui faisait monter le sang à la tête. Sans doute, elle donna cette raison en toute vérité, en toute innocence. Fin de la section 10.